Le grand théâtre de Hamon de la province du Hamgyong du Sud a abrité lundi un rassemblement consacré au 50e anniversaire de l'inspection de la province par le général Kim Jong-il. Y ont pris part des officiels des organismes du parti, du pouvoir, des organisations des travailleurs et des établissements économiques et autres habitants de la province. L'orateur a remémoré les traces de direction impérissable du général Kim Jong-il, marquées dans différentes unités d'activité de la province, notamment l'usine de Vianlon 8 février, l'usine mécanique de Ryongsong, l'usine supérieure de l'industrie chimique de Hamon et le musée de l'histoire de Hamon d'alors, en juillet et en août de l'an 56 du Juche 1967. Et il a souligné que grâce à la direction dynamique de Kim Jong-il, un grand progrès a été réalisé dans l'ensemble des affaires de la province pendant les 50 dernières années.